André Terrier. Titi Lolo. Titi Lolo n'avait pas 6 mois et n'était pas plus gros qu'un chat lorsqu'un jeune paysan nous l'apporta dans la poche de son veston. Ce garçon prétendait que l'animal était un enfant de sa propre chienne, mais j'ai toujours soupçonné qu'il l'avait trouvé par un heureux hasard sur la voie publique. En effet, dans sa petite personne, Titi Lolo offrait tous les caractères d'une perfection obtenue par une longue sélection. La joliesse des formes, l'harmonie des lignes, la finesse des attaches indiquaient une race très pure, une provenance aristocratique. Il appartenait à l'espèce papillon, mais par une rare particularité, sa robe moelleuse et douce comme celle de l'angora était d'une belle couleur fauve qui le faisait ressembler à un écureuil. Il avait du reste la souplesse, la gentillesse et la grâce agile de ce rongeur. Deux yeux noirs très vifs et un petit nez humide et fureteur donnaient à sa physionomie un accent original. Dans sa tête rousse, ornée de 2 grandes oreilles moufflues, éveillées et mobiles, on ne voyait tout d'abord que ses 3 points noirs, les 2 yeux et le nez en truffe. Comme le Hassan de Musset, sa petite médaille annonçait un bon coin, il était très bien pris. On eût dit que sa mère l'avait fait tout petit pour le faire avec soin. Son corps svelte, bien proportionné, était terminé par une frétillante queue en panache. De longs poils soyeux couvraient jusqu'aux ongles, ses pattes sèches et élégantes comme celles d'un chevreuil. Il avait été élevé à la dure chez son père nourricier, où sa pâtée était assaisonnée à l'eau de vaisselle, et il nous arriva rongé de puces. Mais des soins minutieux et une diète plus substantielle l'eurent vite transformé et habitué au confort de la vie civilisée. Il est devenu rapidement le favori et aussi le maître de la maison. On l'avait appelé ami et c'était le nom qu'il portait fièrement sur une médaille pendue à son cou. Toutefois, aujourd'hui, par suite d'une sensible dérivation amenée par un commerce plus familier, il répond dans l'intimité au nom de Titi Lolo. Comme nous habitons la campagne, il n'est pas asservi à ce régime casanier des chiens de Paris qu'on descend 2 fois par jour dans la rue pour y vaquer à leurs petites affaires. Il a à sa disposition un grand clos planté d'arbres où il peut, à son gré, s'ébattre sur les pelouses. Il y flâne pendant des heures, rongeant des brins d'herbe, flairant le tronc des arbres, s'oubliant dans les buis, observant curieusement le manège des merles et des pies et développant en plein air sa précoce intelligence. Intelligent, il l'est supérieurement. Dans sa petite tête remarquablement organisée, les opérations mentales compliquées s'effectuent avec une étonnante rectitude. Chaque jour, nous constatons chez lui des faits de mémoire, d'association d'idées, de raisonnement et de sensibilité qui nous ravissent. Il s'est merveilleusement assimilé les appellations correspondantes aux choses ou aux êtres qui l'intéressent, et grâce à la possession de ce vocabulaire, il converse avec nous, répliquant à nos paroles par un mouvement des oreilles, une inclinaison de tête ou un tournoiement de queue, sachant se faire comprendre par un regard expressif ou un aboiement quasi articulé. Quand il rentre du jardin après sa promenade matinale, on l'a habitué à porter un journal au 1er étage dans la chambre de sa maîtresse. Ce journal, il le guette obstinément au bas de l'escalier et ne bouge pas avant qu'on le lui ait remis. Alors, serrant le papier entre ses dents, il s'élance et, sur chaque marche, ses pattes sonnent avec un bruit de baguette de tambour. Il sait parfaitement que cette fonction de porteur de dépêche n'est remplie que le matin, et le reste de la journée, il gravit l'escalier tout d'un bond, sans faire halte dans le vestibule. À table, où il prend ses repas en famille, il se tient assis sur une chaise haute et attend patiemment sa pâtée. Tandis qu'on la lui prépare, il ferme les yeux, comme pour tromper les ennuis de l'attente. Puis, une fois sa pitance avalée, il se couche en rond jusqu'à l'apparition du dessert. Alors, mais seulement lorsqu'on est entre intimes, jamais en présence des étrangers, il monte sur la table et va se poster, avec un regard de convoitise, à côté d'un bocal de biscuits dont il est très friand. Il a parfaitement la notion du juste et de l'injuste, du bien et du mal, notion naturellement relative à sa petite personne, et quand il s'est rendu coupable de quelque méfait, il se couche, les pattes en l'air, les oreilles basses, et son regard piteux semble exprimer le repentir, invoquer le pardon. Par contre, s'il a été puni injustement, il garde longtemps sa rancune au cœur et boude obstinément pendant le reste du jour. L'intelligence des animaux, on n'ose plus guère la nier et regarder, ainsi qu'au temps de Malebranche, les bêtes comme de simples machines bien organisées. Mais ce problème psychologique n'en est pas moins grave et gros de conséquences. Si l'animal a une intelligence, et s'il n'existe entre celle de l'homme et la sienne qu'une différence de degré, pourquoi les spiritualistes admettent-ils la matérialité et la mortalité de l'âme des bêtes, tandis qu'ils réserveraient pour la seule âme humaine le privilège de l'immortalité? Lorsque, les yeux fixés sur les spirituels yeux noirs de Titi Lolo, j'admire l'éloquence de son regard, lorsque j'étudie le froncement de ses narines, ou le quasi-sourire de ses lèvres, la mimique de ses oreilles et de ses pattes, lorsque nous essayons de nous comprendre et que nous y réussissons, j'ai peine à croire que nous ne soyons pas faits de la même fraternelle essence. Nos modes d'existence ne me paraissent pas différer extraordinairement, et si les formes de nos corps sont dissemblables, j'ai la presque certitude que nos intelligences respectives sont soumises aux mêmes lois et subissent les mêmes obscures destinées. Titi Lolo n'est pas seulement très intelligent, il a beaucoup de cœur. Il sent vivement et aime passionnément. Il est fort amoureux à ses heures. Seulement, comme il est difficile de l'apparier à une chienne de son espèce, il est réduit à se mésallier et ces unions hasardeuses produisent des résultats médiocres. La dernière fois qu'il a convolé en juste noce, Titi Lolo a engendré 3 chiens sans queue qui n'ont pas vécu. Heureusement, ses passions n'éclatent qu'à de longs intervalles. Mais s'il n'est amoureux qu'au printemps, en revanche, il aime en toute saison sa maîtresse d'une violente et tendre affection. Quand elle va à Paris et qu'il voit apprêter la toilette du voyage, il devient nerveux et son anxieux regard demande s'il sera de la partie. Si la réponse est négative, il s'éloigne tout penaud. Pendant la durée de l'absence, il demeure tristement rancogné dans un fauteuil et ne mange que du bout des dents. Il ne se réveille qu'à l'heure ordinaire du retour. Il entend de loin le roulement de la voiture, se précipite au bas de l'escalier et accueille la voyageuse avec des transports, des cris presque humains et des lèchements désordonnés. Si, au contraire, il devine à un geste qu'on l'emmènera, il ne se possède plus de joie. Il manifeste son allégresse par des aboiements impétueux, va chercher le manteau dans lequel on l'emmitoufle, car il est très frileux, et le traîne avec des bonds impatients, jusqu'au moment où on le boutonne dans ce vêtement de voyage. Ses qualités affectives se montrent également dans ses relations quotidiennes avec les animaux qui vivent au logis. Il aime tout particulièrement une chatte noire, qu'il a trouvée toute petite sous un des massifs du jardin et qu'il a rapportée pitoyablement à la maison. Cette chatte, nommée Manette, lui garde de ce sauvetage une reconnaissance touchante. Tous les matins, quand ils se rencontrent dans le couloir, ils se frottent amicalement le museau. Si la Manette miaule plaintivement, son ami accourt pour la réconforter. En revanche, les jours de purge, quand on force Titi Lolo à avaler son ricin et qu'il pousse des cris de putois, la chatte vient le consoler et le lèche d'un air de compassion. Avec la seule Manette, Titi condescend à jouer sur la pelouse. Alors, ce sont des parties inénarrables. La Manette rampe cauteleusement et guette son compagnon, caché derrière un arbre. Dès qu'il se montre, elle s'élance, la queue en l'air, l'échine courbée, et exécute au-dessus de lui le saut périlleux. Puis, tous deux, dans une course folle, se pourchassent à travers les allées et ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont fourbus et hors d'haleine. Un jour, après une promenade avec sa maîtresse, Titilolo s'oublia à vagabonder dans le sentier désert qui longe le mur de son domicile. On le crut rentré, la porte se referma et le malheureux abandonné demeura dehors. Il cria lamentablement, vint mettre le nez contre la porte close, jappa en vain, car cette porte était pratiquée dans une partie du jardin assez éloignée de la maison, et la voix ne porta pas. Imaginez les réflexions et les transes de ce petit chien, peu habitué à sortir seul et perdu dans cette venelle inconnue que la nuit commençait à enténébrer. Quelle détresse devait emplir sa petite âme de bête! Quelle désespérance l'angoissait à l'idée que ses amis l'avaient jeté à la rue! Si jamais, tout enfant, vous vous êtes trouvé égaré en plein bois, si pendant quelques heures vos appels ont été vains, si vous avez vu peu à peu la futaie s'assombrir et le crépuscule la peupler de fantômes terrifiants, vous pouvez vous rendre compte des épouvantes qui assaillaient l'infortuné Titilolo. Cependant, à la maison, on s'était aperçu de sa disparition et une égale inquiétude affolait tout le monde. On allumait des lanternes, on appelait, on fouillait le jardin. Tout à coup, nous remarquâmes que la manette nous avait suivis et son air affairé nous frappa. Elle se faufilait derrière les massifs qui longeaient le mur de clôture et poussait de temps à autre un bref miaulement interrogatif. Après de longs et prudents circuits, elle s'arrêta enfin près de la porte du fond. Là, les miaulements redoublèrent, plus plaintifs, et, du dehors, un gémissement y répondit. On ouvrit. Le triste Titilolo grelottait dans l'embrasure, et la manette se précipita pour le réconforter de ses lèchements. Ils revinrent tous deux amicalement, côte à côte, et au milieu de la joie reparue, après cette demi-heure d'anxiété, je me répétais les vers de la fontaine. Qu'on m'aille soutenir, après un tel récit, que les bêtes n'ont pas d'esprit.